9h-3. Le 7-9 sur France Inter. Bonjour François Morel. Rebonjour Patrick. Oulala, c'est mal, se moque l'humoriste Marine Le Pen en évoquant ceux qui vont sur les plateaux de télévision pour condamner la torture et défendre une certaine idée de la justice. De la justice me fait pas marrer, la torture, ça a toujours existé. Oulala, c'est mal, des paroles de couilles molles, d'angélique, de naïf. Dans le temps, il y avait l'estrapade, le supplice de la roue, le chat neuf queues. Le chat neuf queues est un fouet composé d'un manche de bois sur lequel sont fixées neuf cordes terminées par des griffes en métal. Ça déchire la peau, ça crève les yeux. Bien utilisé, ça peut dépanner. À Auschwitz, par exemple, on était bien content d'en avoir des chats à neuf queues pour morigéner certains prisonniers dont on fait aujourd'hui des martyrs, mais qui parfois avaient leur petit caractère et donnaient bien du fil à retordre au capot qui avait, je le signale quand même, la lourde responsabilité de l'encadrement. Et ce n'est pas rien. Oulala, c'est mal, d'accord, c'est mal, mais c'est pas à nous de répondre à la barbarie par la conscience, par l'intelligence, tu me fais marrer. Tu vas où avec tes grandes idées de civilisation avancée, la loi du talion, il n'y a que ça de vrai. Oulala, c'est mal la gégène, la baignoire, les produits chimiques dans le cul, les viols, les mutilations génitales, les pistolets à impulsion électronique, faut pas exagérer. Ça choque essentiellement des esprits sensibles, émotifs, un peu fleur bleue. Un interrogatoire musclé, c'est un interrogatoire. Vous croyez quoi, qu'il existe des interrogatoires gentils, sympas, tendres, mignons, attentionnés, complaisants? La torture a été un pilier de la politique dans de nombreux pays du monde entier, que ce soit en Espagne sous l'Inquisition, en URSS à l'époque des Grandes Purges, pendant la guerre d'Algérie, et puis en RDA, à Cuba, en Israël, aux États-Unis. Un peu partout, la mondialisation de la torture s'est remarquablement développée. Pour une fois qu'il y a un truc qui marche dans le monde, vous ne pourriez pas le supprimer. Oulala, c'est mal. Oui, c'est mal, mais il y a un moment, il faut bien se défendre. Qu'est-ce que vous voulez ? Où j'en veux un peu à Marine, c'est qu'après ses paroles pleines de bon sens, elle s'est rétractée. Son père, lui, il n'aurait pas tweeté, il n'aurait pas parlé d'interprétation malveillante. Papa, il assume. Marine, des fois, elle a un petit côté droit de l'homiste, je trouve assez inquiétant. C'est à se demander si elle n'a pas fait sa sortie chez Jean-Jacques Bourdin pour mettre en valeur Amnesty International. Jusqu'au 17 décembre, la campagne 10 jours pour signer vous propose d'agir en faveur des personnes menacées. Partout dans le monde, chaque citoyen est invité à ouvrir les yeux sur 12 cas emblématiques de violation des droits humains. Ne dites pas que votre signature ne sert à rien. Le blogueur tunisien Jaber Mejri, la militante cambodgienne Yorm Bofa, les pacifistes russes de la place Blotnaya, le chauffeur de bus turc Akam Yaman doivent leur salut à la mobilisation des militants d'Amnesty International en 2013. Plutôt que de se replier, se rapetisser, se recroqueviller, se morfondre, se lamenter, plutôt que de perdre son temps à dire ou à écouter des conneries, allez voir le site www.10jourspoursigner.org. Ouh là là, c'est mieux. François Morel qui était ce matin à Bruxelles. Merci beaucoup François.